Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. Question 56. Comment l'ange connaît les choses immatérielles? Que l'ange se connaît, qu'il connaît les autres anges, comment il connaît Dieu? 1. Les anges se connaissent-ils eux-mêmes? L'ange, répond saint Augustin, se connaît par sa substance. Pour connaître un objet, il suffit que son espèce ou image soit présente actuellement dans l'intelligence. Qu'importe que la substance soit inhérente à l'intelligence elle-même, ou qu'elle subsiste en dehors d'elle? L'ange, qui est une substance, une forme intelligible, peut donc se connaître par sa substance. 2. Les anges se connaissent-ils les uns les autres? Ils se connaissent par les espèces innées qui représentent tous les êtres dans leur intelligence, car, dès l'origine, ils ont reçu les types de tous les êtres spirituels ou matériels qui ont été créés, de telle sorte qu'ils connaissent toutes les choses par ces espèces mêmes. Si, aujourd'hui, il plaisait à Dieu de créer un nouvel être, à l'instant même il recevrait une espèce intelligible qui serait la représentation de ce nouveau venu. 3. Les anges peuvent-ils connaître Dieu par leurs facultés naturelles? L'apôtre a dit des païens, ils ont connu ce qui se peut découvrir de Dieu. Romains 1. Pourquoi les anges, dont l'intelligence est plus élevée que celle des hommes, ne connaîtraient-ils pas Dieu par leurs facultés naturelles, lorsque cette connaissance n'a pas même été refusée aux païens? Les anges ont donc quelque connaissance de Dieu par leur lumière naturelle, mais quelle est cette connaissance? Ils ne le connaissent pas naturellement par l'essence divine elle-même. Aucune créature ne peut naturellement le percevoir de cette manière. Ils en ont la connaissance par la présence de son image ou de sa similitude qui est dans leur intelligence, comme l'œil voit la pierre par l'image qui la représente, de sorte que c'est par leur propre essence qu'ils le connaissent. Cela ne veut pas dire qu'ils voient dans leur être l'essence de Dieu, aucune image créée ne suffit pour la représenter, mais, au lieu que nous connaissons Dieu par son image qui se reflète dans la création, où nous le voyons comme dans un miroir, la nature angélique est pour les anges ce miroir même qui leur offre l'image de Dieu. Note. Saint Thomas ne parle ici que de la connaissance naturelle des anges. Si tous pouvaient naturellement voir l'essence divine, les démons, qui ont conservé leurs facultés naturelles, jouiraient de la béatitude. Pour la connaissance surnaturelle, Dieu la donne à qui il veut et quand il veut. Les bons anges en ont joui après leur épreuve. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.